الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من الموافقات العجيبة أن قدر موتي أو موت كبيرنا في هذا المسجد، وقد أخبرت الآن بأن أحد كبار السن في مسجد حي والدتي رحمة الله عليها قد توفي الآن، وهو في مكة، وهو معروف لدى القدماء عمي ربحي، فإن لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ورفع درجاتي في الجنة. Parmi, يعني je viens d'apprendre une information étonnante. والله فعال لما يريد وهو العليم الحكيم. Allah عز وجل fait ce qu'il veut, il est savant et sage. Comme vous le savez, notre grand-oncle est décédé il y a peu, rahimahullah. Et je viens d'apprendre à l'instant qu'une personne âgée de la mosquée de Bobigny, Ami Rabhi, est décédée alors qu'il était à Mecca. Et il était de la mosquée du centre-ville. C'est une personne âgée qui œuvrait pour la mosquée depuis de nombreuses années. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. والشيء بشيء يذكر. Cela nous appelle à nous interroger sur notre fin. Cela nous appelle et cela nous rappelle notre fin à tous. Et une parole qu'on a entendue, qu'il convient de corriger. Parmi les expressions françaises, lorsque tu veux témoigner ton affection à une personne décédée ou aux proches, tu dis « il est parti trop tôt ». Tu dis « il est parti trop tôt ». Mais cette parole comprend une erreur évidente quant à la croyance au décret, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut retarder, personne ne peut avancer le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et ce qu'Allah azza wa jal a su et décrété. Donc on ne dit pas cette parole. L'enfant peut décéder à la naissance, et la personne âgée peut vivre longuement. La personne âgée décède, et l'enfant peut vivre longuement. Et on nous dit que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tout cela nous appelle à nous interroger sur notre fin à tous, et à nous préparer pour ce jour-là. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé à cela dans le Coran en disant: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Aussi, pour préparer ces provisions, il nous faut étudier la science. Et la science la plus bénéfique et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui pousse à son amour, celle qui pousse à sa crainte et à placer tous ses espoirs en lui, celle qui pousse à œuvrer, à préserver les actes, à préserver les obligations, puis à ajouter les actes recommandés, celle qui pousse à s'éloigner des péchés, des grands péchés, des petits péchés, des choses détestables. Fa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa sadat kama nas'alu tabaraka wa ta'ala وهو البر الرحيم الرؤوف حسن الخاتمة. On invoque Allah Azza wa Jal afin de nous accorder une bonne fin. Avons-nous étudié la semaine passée? Quel est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons étudié la semaine passée? Naam. Al-Wadud. Allahu Akbar. Al-Wadud a été mentionné dans le Coran à combien de reprises? Deux fois. Barakallahu fik. Quel est le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud? Quel est le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud? Comment? J'entends pas. Celui qui est aimé et se fait aimer de ses serviteurs. C'est seulement. Et lui-même aime ses prophètes, ses messagers et leurs suiveurs. Et ces derniers l'aiment. Et c'est celui qui a aplani sur leur chemin de très nombreuses causes pour que leur cœur se remplisse de son amour, de son affection. Et on a lu un passage sublime du grand savant Al-Usuli Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di. Ici, si je n'avais pas peur de causer un mécontentement, le mécontentement de la plupart d'entre vous, en n'avançant pas dans le livre, j'aurais relié exactement le même passage, sans avancer dans le livre. Car, comme je vous l'ai dit, c'est un des passages les plus magnifiques de tout le livre. Ce que nous a mentionné ici, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di, concernant l'explication du nom d'Allah, Al-Wadud. Rahimahullah rahmatan wasi'a. On avait fini ce passage-là, n'est-ce pas? طيب. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه فهو مول النعم واسع العطاء دائم الإحسان لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة ليس لجوده وبره وكرمه مقدار فهو سبحانه ذو الكرم الواسع فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Barr. Et ce nom a été mentionné dans un seul endroit du Coran, dans Surat al-Tur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset, antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Al-Barr comprend sifatul birr, et c'est la bienfaisance de manière générale. Et le sens de ce nom, c'est celui qui a englobé de par ses dons l'ensemble des choses de manière absolue. Il leur donne, déverse sur eux ses bienfaits. C'est celui qui donne sans compter avec largesse, celui qui donne de manière récurrente et répétée. Il a toujours donné et il ne cesse de donner. Il a toujours été qualifié, a toujours eu comme attribut le don. De par ses grâces et sa bienfaisance, il est connu auprès de ses serviteurs. Il donne ses grâces et ses bienfaits d'une manière abondante. Ses bienfaits se relaient ou se succèdent sur ses serviteurs. Ses grâces sont de toutes sortes, sont multiples et de toutes sortes. Sa générosité, sa bonté et sa perfection, ou plutôt Naam, sa générosité, se succèdent sur ses serviteurs. Il est donc le détenteur de la générosité et des dons incommensurables qui ne cessent d'être accordés à l'ensemble de ses créatures. وَبِرُّ سُبْحَانَهُ بِعِبَادِي نَوْعَانْ عَامٌ وَخَاصٌ. La bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bonté sur ses serviteurs est de deux sortes. La première est la bonté générale et la seconde, la particulière. فَالْعَامْ وَسِعَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَمَا مِنْ شَخْصٍ إِلَّا وَسَّعَهُ مَنُّ اللَّهِ تَعَالَى وَفَاضَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ. La bonté générale d'Allah Azza wa Jal est celle qui englobe l'ensemble de ses créatures. Il n'y a pas un individu qui ne soit touché par la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que ses bienfaits soient déversés sur lui. Dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: certes, nous avons honoré le fils de Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Allah Azza wa Jal a donc eu de la bonté envers l'ensemble de ses serviteurs. Et cet honneur qu'il a accordé entre dedans l'ensemble des individus. Wa hadha at-takrim yadkhulu fi khalq al-insan ala hadhihi al-hay'ati al-hasanati was-surati al-jamila wal-qamati at-tayyibah. وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا وجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيده وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفيه أو بفمه. L'auteur, حفظه الله تعالى, nous dit: cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de manière générale entre dedans la manière dont il a créé l'homme. Cette apparence, cette soigneuse et belle apparence qu'il lui a accordée, cette bonne taille de laquelle il l'a doté. Il lui a également accordé l'ouïe, la vue et le cœur. Et il lui a permis de marcher sur deux jambes, droit, de se tenir debout et de manger avec sa main. Alors qu'autre que lui parmi les animaux marche sur quatre pattes, marche sur quatre pattes et mange avec sa bouche. وخصه بأنواع بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. Ajoutez à cela qu'Allah Azza wa Jal nous a préféré, nous a accordé à nous particulièrement les humains un bon nombre de nourritures, différentes sortes de nourritures, de boissons, de vêtements et beaucoup d'autres bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordé de par sa générosité au fils de Adam. Voici la bonté générale d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'elle touche l'ensemble. Elle touche l'ensemble. Quant à sa bonté particulière, l'auteur nous dit: wal khassu وهدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقهم لطاعة رب العالمين ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي في الدور في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. La bonté particulière d'Allah Azza wa Jal, donc celle qui touche certaines de ses créatures, certains serviteurs, c'est le fait qu'il accorde la guidée à qui il veut parmi ses serviteurs et qu'il les guide à cette religion droite. Ça comprend également la réussite qu'il accorde à ceux qu'il a choisis pour leur permettre d'adorer le Seigneur des mondes. Et tous les nombreux bienfaits et les nombreux bienfaits qui découlent de cette obéissance qu'ils vouent à leur Seigneur. le bonheur dans ce bas monde et le bonheur dans l'au-delà. Comme Allah nous le dit dans Sourate Al-Infitar, Inna al-abrar la fi na'im, les bons seront certes dans les délices. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, c'est-à-dire dans les trois demeures, dans ce bas monde, dans, après la mort, dans leur tombe, dans le barzakh, la période intermédiaire entre ce bas monde et la résurrection dans l'au-delà. Donc, dans ce bas monde, dans le barzakh et le jour de la résurrection. Al-Abrar, dans ces trois demeures-là, seront dans les délices. Wa tafasilu birrihi bi'ibadihi wa asfiyaihi amrun la yumkinu hasru wa la sabila ila istiqsa'ihi. L'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit le détail de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs rapprochés et nobles, ce qu'il a choisi et élu, est une chose qu'on ne peut restreindre et qu'on ne peut dénombrer et énumérer. فَمِنْ بِرِّهِ بِهِمْ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرِيدُ بِهُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِهُمُ الْعُسْرَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُمُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ الْكَثِيرَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِجَمِيعِ جِنَايَاتِهِمْ وَيُجْزِيهِمْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ إِلَّا مِثْلَهَا. وَيَكْتُبُ لَهُمُ الْهَمَّ بِالْحَسَنَةِ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِمُ الْهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. رواه مسلم. Parmi la bonté d'Allah Azza wa Jal envers eux, le fait qu'ils souhaitent, le fait qu'ils veuillent pour ses serviteurs la facilité et qu'ils ne veuillent pas pour eux la difficulté. Ils acceptent d'eux le peu parmi leurs œuvres et ils récompensent pour le peu qu'ils ont fait avec, en leur donnant de nombreuses récompenses. Ils pardonnent leurs nombreux péchés, leurs nombreuses fautes. Ils ne se saisissent pas directement d'eux pour leur désobéissance. Ou plutôt, il ne se saisit pas d'eux, il ne les punit pas pour l'ensemble de leurs fautes. Et il récompense la bonne action en accordant à son serviteur 10 fois. Il multiplie par 10 sa récompense. Et s'il le veut, il décuple cette récompense. Quant au péché, celui qui commet un péché, Allah Azza wa Jal lui donne une seule faute. Donc, on voit ici de la bonté d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il nous a facilité cette religion. Il veut pour nous la facilité. Et il accepte le peu d'œuvres que nous faisons. Et malgré cela, ou néanmoins, il nous donne beaucoup de récompenses. Et il nous pardonne beaucoup nos fautes. Et il ne nous punit pas pour l'ensemble de nos péchés. Celui qui fait une bonne action, Allah le récompense par 10 fois son semblable, ou lui décuple même cela. Quant au péché, celui qui fait un péché, on lui inscrit un seul péché. On nous inscrit même la simple pensée, la simple intention, la simple détermination à faire la bonne action. Celui qui a cela dans son cœur se voit inscrire une bonne action, une hasana. Quant à celui qui a pensé, qui a souhaité, ou qui a na'am, qui a souhaité, qui a pensé faire un péché, on ne lui inscrit pas le péché. Et si il accomplit, s'il fait ce péché, alors on lui inscrit un seul péché. Alors on lui inscrit un seul péché. C'est pour cela que certains parmi les anciens disaient, malheur à celui dont un aura battu dix. Et comment un seul péché qu'on écrit un lorsqu'il est commis a pu battre, a pu être plus lourd sur la balance, alors qu'une bonne action te la multiplie par dix jusqu'à 700 fois jusqu'à te décupler cela. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par Abu Huraira, compagnon, noble compagnon radiallahu anhu, celui qui pense à faire une bonne action, puis ne l'accomplit pas, se verra inscrit une récompense. Quant à celui qui pense à l'accomplir, puis l'accomplit, on lui inscrit 10 fois cette récompense, jusqu'à 700 fois. Quant à celui qui pense à faire un péché, puis ne l'accomplit pas, on ne lui inscrit pas de péché. Puis s'il le commet, et s'il le commet, on lui inscrit un seul péché. وَمِنْ بِرِّهِ بِعِبَادِي فَتْحُهُ أَبْوَابِ فَتْحُهُ أَبْوَابَ الْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالْأَوْبَةِ إِلَيْهِ مَهْمَ كَثُرَتِ الذُّنُوبِ وَتَعَدَّدَتِ الْأَثَامِ قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Parmi la bonté d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, le fait qu'il leur ouvre la porte du retour vers Allah, du repentir vers Allah, quel que soit le nombre et la multitude de péchés, quelle que soit la diversité de fautes, Allah Azza wa Jal leur ouvre ces portes-là et les appelle au repentir. Dans Sourate Az-Zumar, et certains ont dit que ce verset est le verset développant le plus d'espoir dans le cœur de tout le Coran. Certains ont dit le verset développant le plus d'espoir dans le cœur de Sourate Al-Fatiha à Sourate Al-Nas est ce verset-là. Lequel est-il ? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. C'est lui, plutôt, qui est le grand pardonneur, le très miséricordieux. وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ يَقُولُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَدَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانِ السَّمَاءِ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Dans ce hadith à thème divin, le Très-Haut nous dit, ô fils de Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai les péchés dont tu te seras chargé sans me soucier. Et certains ont dit de leur grand nombre. Ô fils de Adam, si tes péchés atteignent toute l'étendue visible du ciel et qu'alors tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils de Adam, si tu viens à moi et remplis la terre de tes péchés, alors que tu me rencontres cependant et que tu n'associes personne d'autre à moi, je te donnerai de quoi la remplir d'autant de pardon. Ou je viendrai à toi, ô fils de Adam, si tu viens à moi avec l'étendue de ce que la terre peut supporter comme péché ou proche de cela, je viens cependant sans rien m'avoir associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو والستر وستر الذنوب والتجاوز عنها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. Parmi la bonté d'Allah Azza wa Jal à l'égard de ses serviteurs, le fait qu'il leur accorde son absolution, son pardon, le fait qu'il couvre leurs fautes, leurs péchés, le fait qu'il passe dessus. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit le jour de la résurrection, Allah rapprochera le croyant. Allah rapprochera le croyant. Et il mettra sur lui sa couverture. Yani il le couvrira. Il le couvrira. Et dira, il dira à Allah, reconnais-tu tel péché? Et reconnais-tu tel autre péché? Il répondra oui, ô Seigneur. Et lorsqu'on lui aura fait reconnaître ses péchés, et qu'il pensera alors avoir péri, il lui dira, je te les ai couverts dans ce bas monde, et aujourd'hui, je te les efface, je te les pardonne. Son livre de bonnes actions lui sera remis, lui sera alors remis. Quant au mécréant et à l'hypocrite, l'ensemble des témoins diront, voici ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. ومطالعة العبد لهذا البر العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع. L'auteur nous dit, le fait que le serviteur soit pleinement conscient de cette bienfaisance, de cette bonté d'Allah envers lui, le fait qu'il témoigne de cette immense bonté de son maître, de son seigneur, de son protecteur, à la plus haute utilité. Cela lui est extrêmement profitable. إِذْ بِهِ يَعْرِفُ عِزَّةَ اللَّهِ فِي قَضَائِهِ وَبِرَّهُ فِي سَتْرِهِ فِي سِتْرِهِ وَحِلْمَهُ فِي إِمْهَالِهِ وَكَرَمَهُ فِي تَيْسِيرِهِ لِعَبْدِهِ التَّوْبَةَ وَالْإِنَابَةَ وَفَضْلَهُ فِي مَغْفِرَتِهِ وَهَذَا يَسُوقُ الْعَبْدَ إِلَى حُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَى مَوْلَاهُ خضوعا وتذللا رغبة ورهبا رغبا ورهبا رجاء وطمعا. Pourquoi le fait de témoigner de cette bonté d'Allah Azza wa Jal et de méditer sur ces différentes sortes de bontés qui nous touchent de la part de notre Seigneur, notre Maître, notre Protecteur Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce autant nécessaire? On nous dit ici, car ainsi on reconnaîtra de la puissance d'Allah dans son décret, de sa bonté lorsqu'il nous couvre les fautes, de sa bonté lorsqu'il couvre les fautes, de son indulgence lorsqu'il nous donne un répit, de sa générosité lorsqu'il facilite à son serviteur le repentir et le retour vers lui, de sa grâce lorsqu'il lui accorde son pardon. Et tout cela pousse le serviteur à quoi ? À se diriger vers son maître, humilié et rabaissé, avec désir et effroi, avec espoir et haut désir. قال ابن القيم رحمه الله يعرف بره سبحانه أو يعرف بره سبحانه في ستر في ستر في ستره عليه يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. ابن القيم رحمه الله تعالى Il nous dit qu'on se doit de connaître la bonté de notre Seigneur, exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses serviteurs, de par le fait qu'il nous couvre nos fautes et nos péchés. De par le fait qu'il nous couvre nos fautes et nos péchés, alors qu'il nous voit parfaitement les commettre. Et s'il avait voulu, il nous aurait dévoilé auprès de ses serviteurs. Alors ils auraient pris garde et se seraient éloignés de nous. Et cela fait partie de la perfection de la bonté d'Allah. C'est-à-dire que le serviteur désobéit Allah. Allah le voit parfaitement, malgré ça il le couvre. Et si Allah avait voulu, il nous aurait dévoilé auprès de ses serviteurs. Ainsi les serviteurs se seraient éloignés de nous. Et parmi les noms d'Allah, il y a donc Al-Barr. Et cette bonté émanant de notre maître provient, yani Allah Azza wa Jal à la perfection de la bonté. Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, déverse sur nous sa bonté malgré le fait qu'il se passe parfaitement de nous. Allah nous donne à la perfection alors qu'il n'a aucunement besoin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne alors qu'il n'a aucunement besoin de nous. Il a la suffisance absolue. Allah nous donne et le serviteur est besogneux au plus haut point devant son Seigneur Allah Azza wa Jal. Le serviteur se préoccupe, le serviteur observe les bienfaits d'Allah sur lui. Il témoigne de la bonté d'Allah envers lui, de sa générosité et de sa bienfaisance. Et cela l'amène même à un point où il est distrait de ses fautes. Le serviteur voit tellement de bonté de la part d'Allah Azza wa Jal sur lui qu'il en arrive à être distrait de ses fautes. Mais cette faute-là, elle est auprès d'Allah, elle est inscrite auprès d'Allah. Et cela est plus profitable pour lui que de rester seulement à penser à ses fautes. C'est plus profitable de témoigner de la bonté d'Allah et de se rappeler les bienfaits d'Allah sur nous. Et le fait qu'on est dépendant d'Allah et qu'Allah n'a pas besoin de nous, c'est plus profitable de se rappeler cela que de rester sur le péché et de s'arrêter là. De dire on a fait. Et de rester dans l'humiliation du péché. Car le fait de se préoccuper d'Allah et d'être distrait de tout le reste, voici le but suprême. Voici le but ultime. Donc, ou plutôt, il ne faut pas comprendre que le péché n'est pas grave. Il ne faut pas comprendre qu'on ne doit pas pleurer pour nos fautes, ni nous repentir de nos fautes, ni revenir vers Allah, ni avoir peur du châtiment. Non. Mais on nous dit que c'est plus profitable de se rappeler la bonté d'Allah Azza wa Jal, sa bienfaisance, le fait qu'il nous accorde tout cela bien qu'il n'ait pas besoin de nous, et que nous, nous soyons dépendants de lui. Et en réalité, celui qui atteint ce niveau-là, sans aucun doute, il va délaisser le péché, et il va revenir vers Allah Azza wa Jal, pour qu'il ne lui coupe pas cette bonté et cette bienfaisance. وَمَنَ أَبَّهَا عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهِ أَمْرٌ يَغْفَلُ عَنُ كَثِيرٌ مِنَ التَّائِبِينَ فَيَنْشَغِلُونَ بِعِظَمِ الذُّنُوبِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا وَكَثْرَتِهَا وَيَغْفَلُونَ عَنْ ذِكْرِ سَعَةِ بِرِّ اللَّهِ وَعِظَمِ مَنِّهِ وَجَزِيلِ كَرَمِهِ. L'auteur Hafidhahullah Ta'ala commente la parole d'Ibn al-Qayyim en disant: et la remarque faite par Ibn al-Qayyim rahimahullah a la plus haute importance. C'est une chose de laquelle ou devant laquelle sont distraits beaucoup de serviteurs repentants. Beaucoup parmi ceux qui se repentent, regrettent le péché, le délaissent, sont distraits du fait de se rappeler la bonté d'Allah, la générosité d'Allah, le fait qu'il nous couvre nos péchés alors qu'il nous voit les commettre, le fait qu'il nous les pardonne, le fait qu'il nous donne, le fait qu'il n'ait pas besoin de nous, malgré cela il nous donne avec largesse, et nous, nous sommes dépendants de lui, de ses dons. Beaucoup sont préoccupés par la grandeur des péchés qu'ils ont commis et leur multitude, au point d'être distrait de la vasteté de la bonté d'Allah, de la grande bonté d'Allah, et de l'immense grâce d'Allah, et de l'incommensurable générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une grande leçon qu'il nous faut retenir. Une des causes pour revenir chez Allah, revenir vers Allah, être dans un bon repentir, c'est ne jamais oublier la bonté d'Allah envers nous, la grandeur des dons d'Allah Azza wa Jal sur nous. وَمِنْ عَظِيمِ بِرِّهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَعَ كَمَالِ غِنَاهُ يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِينَ وَإِنَابَةِ الْمُنِيبِينَ. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح. ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Parmi la grande bonté d'Allah envers ses serviteurs, malgré la perfection, ou plutôt malgré le fait qu'il se passe largement des gens, malgré sa pleine suffisance, le fait qu'il se réjouisse du repentir de ses serviteurs. Le fait qu'il se réjouisse, je reprends, parmi la grande bonté d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, bien qu'il ait la suffisance absolue et totale, le fait qu'il se réjouisse du repentir de ses serviteurs et du retour qu'ils font vers leur Seigneur. En effet, dans le recueil de l'imam Muslim, Anas ibn Malik rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: très certainement, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous se réjouit que l'un d'entre vous pourrait se réjouir s'il était sur sa monture dans une terre désertique et qu'elle lui échappait tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Il désespère alors de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant, qu'il est ainsi, ou alors qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui, Il l'a saisi par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie, « Ô mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Et il s'est trompé par excès de joie. Il s'est trompé par excès de joie. Parmi la bonté d'Allah, le fait qu'il se réjouisse du repentir de son serviteur, bien qu'il n'ait pas besoin de son repentir, et bien que sa piété n'ajoute rien à son royaume, subhanahu wa ta'ala, mais par bonté, par bienfaisance. Allah Azza wa Jal aime nous donner le bien. Allah Azza wa Jal aime nous récompenser. Allah Azza wa Jal a le choix lors du péché de son serviteur de lui effacer le péché, de le pardonner ou de le punir et de le châtier de par sa justice. Allah Azza wa Jal, lorsque son serviteur pêche, s'il veut, il lui efface ce péché par sa miséricorde et sa bonté. Et s'il le veut, il le punit par sa justice. Et Allah aime pardonner à son serviteur. Et c'est El Ghafour. Et aime voir les effets de cet attribut. Ceci fait partie de la bonté d'Allah Azza wa Jal. وَلِهَذَا الْفَرَحْ شَأْنٌ لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِهْمَالُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ إِذْ إِنَّ مُطَالَعَتَهُ مِنْ أَعْظَمْ مَا يُكْسَبُ الْقَلْبِ طمأنينة وشوقا إلى الله ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Cette joie qui a été mentionnée dans ce hadith, il ne convient pas au serviteur d'en être distrait, de s'en détourner, car en méditant ce point-là, en ayant toujours présent dans son esprit ce point-là, il obtiendra, il acquérira, il portera par la suite dans son cœur un désir ardent de rencontrer Allah. Son cœur s'illuminera de par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il témoignera de sa bonté, de sa douceur, de sa générosité, de sa bienfaisance. Et il se rendra à l'évidence qu'Allah est le plus généreux des généreux, le plus grand des donateurs, le plus miséricordieux des miséricordieux. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنْ يُعْلَمَ هُنَا أَنَّ الْبِرَّ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَهْلَ الْبِرِّ فَيُقَرِّبُ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْبِرِّ ويحب أعمال البر ويجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة والبر أصله التوسع في فعل الخيرات وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. L'auteur rahimahullahu wa hafidhah nous dit, et parmi les choses qu'il convient de savoir ici, c'est que Al-Barr, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, Allah Azza wa Jal, c'est Al-Barr. Il aime donc les gens de Al-Birr. Allah Azza wa Jal, comme on l'a étudié et mentionné à plusieurs reprises, il aime parmi ses serviteurs ceux qui se rapprochent de ses qualités. Ceux qui se rapprochent de ses qualités. Et Allah Azza wa Jal aime ses noms et ses attributs. Donc aime ceux qui se caractérisent par ceux qui se rapprochent des sens de ses noms, des sens de ses attributs. Allah est fort, il aime le croyant fort. Allah est savant, il aime les savants. Allah est al-barru, il aime donc ahl al-birri, Il aime les bienfaisants, les gens de la bonté. Il rapproche leur cœur de lui en fonction de ce qu'ils ont accompli comme acte de bonté. Allah aime les actes de bonté et il rétribue par elle en attribuant à ses serviteurs la guidée, le succès, la réussite, l'élévation dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et dans la base du mot Al-Bir, il y a la notion de largesse et d'élargissement dans le fait de faire le bien. Faites de beaucoup faire le bien, avec largesse, en abondance. Et le verset, et réunissant le plus de caractéristiques de bonté, est le verset 177 de Sourate Al-Baqarah. Lorsqu'Allah nous dit, sur la traduction approximative des sens de ce verset, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Ceux qui sont endurants dans la misère, dans la difficulté, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les pieux. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Dans sourate Ali Imran, Allah nous dit: vous n'atteindrez l'excellence de la bonté, ou personne n'atteindra l'excellence dans la bonté, ou vous n'atteindrez pas l'excellence dans la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Et tout ce que vous il n'y a pas une chose que vous dépensiez sans qu'Allah en soit connaisseur. قال قتادة رحمه الله لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. Ibn Jarir al-Tabari رحمه الله nous mentionne la parole de Qatada relative à l'explication de ce verset. Il nous dit, c'est-à-dire, vous n'atteindrez jamais la bonté de votre Seigneur sur vous, en d'autres termes sur vous, wallahu a'lam, jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous, de ce qui vous plaît et de ce que vous souhaitez vous-même comme bien, comme richesse et comme argent. Abu Talha radiallahu anhu, lorsque ce verset a été révélé, est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô messager d'Allah, certes Allah dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez jamais l'excellence de la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Et moi, la richesse que j'aime le plus parmi mes biens, c'est ce jardin. Les jardins qu'ils avaient, c'était des palmeraies avec des ruisseaux et ainsi de suite. Et si mes souvenirs sont bons, ils avaient pour nom Bayruha, quelque chose de semblable. Et il a dit, fahiya sadaqatu, je la donne en aumône pour Allah. Je la donne en aumône pour Allah. Donc ainsi ils ont appliqué. En entendant une fois le verset, les sahaba ont pris de leurs richesses les plus prisées et ils les ont données pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le verset. C'est que pour recevoir pleinement la bonté d'Allah Azza wa Jal, la bonté générale, la bonté particulière, Il nous fallait, nous, être bienfaisants envers les autres. Il nous fallait, nous, avoir des actes de bonté envers les gens. Alhamana Allahu jami'an rushda anfusina ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب إنه سميع مجيب. L'auteur finit en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la droiture et de nous donner notre subsistance de par sa grâce, sa bonté, sa générosité, des choses qu'on ne peut espérer ni même imaginer plutôt, ou ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est certes lui l'audient, celui qui répond à la demande. Parmi les actes de bonté, il y a le fait d'offrir un livre profitable pour le serviteur, un livre sur la connaissance d'Allah, un livre sur les noms et les attributs d'Allah. Et il y a des gens, des frères à nous, qui ont acheté le livre que nous étudions traduit. Et on vient de le faire passer du côté des femmes. Toute sœur qui a l'intention de le lire, ou toute sœur qui a l'intention de suivre le cours, ou toute sœur qui connaît une personne à qui le livre sera profitable, alors elle en prend un. Et je vais poser quelques questions aux hommes, comme vous, vous êtes riches, Allah mabarak, et celui qui répond gagnera le livre. T'as des livres, Abdullah? MashaAllah. Que signifie, ou plutôt, qui peut me citer 5 noms parmi les noms d'Allah, min asma'illah al-husna? Qui me cite 5 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal? Tfaddal. De tête. Ou de cœur. Al-Ghafour. Al-Tawwab. Al-Shakur. Al-Shakir. Reprends. Tu as dit Al-Shakur, ensuite. Al-Shakir. Mets cela de côté et poursuis. Tu as dit combien de noms pour l'instant? 4. Ça, c'est de la bonté démesurée. Al-Ghafour. Al-Tawwab. Al-Shakur, ça fait 3. Le quatrième que tu as mentionné, tu as fait une faute. Donc, laisse cela de côté, poursuis. Elle, on ne dit pas comme ça. Elle afou. D'accord. Ça fait combien là? 4. Répète. J'apprécie ta détermination pour répondre. Tu veux changer? El Basir. D'accord, ça fait 5. Donne-lui un livre. Tafaddal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam. Donne-lui un livre. Comment est-ce que tu t'appelles? Toi qui t'es mis sur tes genoux pour paraître encore plus grand bien que tu le sois déjà. Abdullah, dis-moi. Al-Wadud. Jean, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Awwal, Wal-Akhir. Al-Awwal, Wal-Akhir. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi quand vous parlez, vous montrez tous vos mains, bien que je vous entende pleine, parfaitement? C'est la motivation à obtenir le livre, pour pas que je me trompe, j'oublie. Tfadlan. Al-Qayyum. Al-Mutakabbir. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Allah. Allah. Allah. T'as cité 2 noms qu'il a déjà mentionnés. Mais comme tu as dit Allah, il mérite un livre. Et tu choisis aussi à qui tu vas donner un livre. Lève pas les mains comme si tu étais innocent. Choisis. Ton frère de sang? Je ne peux pas savoir pourquoi tu te braques de la sorte. Ça peut être ton frère de sang et ton frère en islam aussi. N'est-ce pas? Montre-moi ton frère. C'est ton frère en islam. Et les autres? Tous aussi. Naam, donne à son frère en islam. Et tu as le tien ou pas? Non, donne-lui les deux, il va l'offrir à son frère bien-aimé. Il doit beaucoup t'aimer parce qu'entre tout ça, il l'a choisi toi. Naam, tfadbal. Al-Karim. Al-Hakim. Comment? Malikul Mulk. Al-Latif. J'ai pas entendu. Al-Khabir. Naam. Tfadbal. Comment? Prononce plus fort. C'est avec un aïn. D'accord. Al-Muta'al. Naam. Al-Ali. Al-A'la. A déjà mentionné Al-Basir. Akraman. Comment? Akraman. Akraman, c'est min asma'illah dans les textes. Donc, quelle est la preuve de cela? Parmi les règles claires chez Ahl Sunnah wal Jama'a, anna asma Allah tawqifiyya. Naam, comme vous le savez tous, nom d'Allah Azza wa Jal, on ne peut se permettre de les affirmer que s'ils ont été mentionnés soit dans le Coran, soit la Sunnah. On n'a pas le droit de dépasser cela. Donc, celui qui affirme une chose, il doit amener la preuve ou s'abstenir. Mentionne d'autres. Il t'en reste un à trouver, c'est ça? Tfadl. Peut-être que de mettre ses doigts, ça aide, parce que tous ceux qui ont mis leurs doigts ont réussi. Mets tes doigts, si tu veux. Quel est ton prénom? Farhan. Farhan. Masha'Allah. Ça t'a connu. Farihan, inshallah, amma qarib. Donc, Al-Malik, ça a été mentionné, il me semble. Mais on va dire qu'il a dit Al-Malik et que toi tu as dit Al-Malik. On va faire un acte de bonté et lui accorder, Inch'Allah. Oui. Il en reste un. Qui habite à plus de 15 minutes de la mosquée? Parmi ceux qui avaient levé la main seulement. Qui habite à plus de 20 minutes de la mosquée parmi ceux qui avaient levé la main seulement. Qui habite à plus de 25 minutes parmi ceux qui avaient levé la main seulement. Qui habite à une heure. Allahu Akbar. Vous êtes déplacés que pour aujourd'hui, vous. Tayyib. Qui habite à une heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tayyib. Vous six, vous venez à la fin du cours, je vous offre le livre, Inch'Allah. Vous six, à la fin du cours, vous venez, je vous offre le livre, Inch'Allah. C'est-à-dire que ma main va prendre le livre pour vous la donner dans la vôtre. Sinon, c'est pas moi qui l'offre, en réalité. Donc, qui veut mentionner cinq noms? Kamel. As-salam, ça a été mentionné ou pas tout à l'heure? Ça a été mentionné. De copier, à la base, c'est blâmable. Mais de copier quelqu'un dans le bien et de suivre la sunna, c'est louable. D'être la queue dans le bien, à l'arrière, c'est mieux que d'être la tête dans le mal. Donc, Al-Jalil, j'ai pas entendu. Al-Kamal, tu as dit? Je ne connais pas cela parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous l'aidez ou vous voulez le livre pour vous-même? Pour toi-même, vas-y. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Al-Sabour. Al-Muhsin. Il y a une divergence. Al-Mu'min, tu as dit? Al-Muhsin. C'est sujet à divergence. Al-Mu'min. Al-Mu'min. المبدع الجبار نعم Un des plus célèbres, étonnamment, vous ne l'avez pas mentionné. Pourtant, vous avez cité Al-Qayyum. Al-Hayy. Certains que tu as mentionnés, je ne les connais pas parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Quand je dis je ne connais pas, ça veut dire moi, je n'ai pas eu la connaissance de cela. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas partie. On lui accorde le livre. Hein? Oui? Pardon. C'est des livres qui coûtent cher, mais le contenu, il est inestimable. Hein? Le contenu est inestimable. S'il avait fallu établir un prix, personne, en se réunissant, aurait pu donner le prix de ce qu'il contient, de ce que contient les livres. J'ai plus de livres, tu veux répondre quand même? Réponds. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal t'accorde al-birr. Ça a été mentionné déjà. Al-hayy, on a un point chacun alors. On partage le livre. Al-hayy, al-rabb, na'am, al-wahhab. Je t'aide. Comment? Si tu as un verset ou un hadith qui l'affirme, tu l'affirmes. Dans le cas contraire, tu n'as pas le droit. Est-ce qu'il y a un verset ou un hadith que tu connais sur ça? Non? Alors on ne s'avance pas. Attention. Donc, Ar-Rahman, ça a été mentionné. Al-Aziz, je pense que ça a été mentionné. Comment? Al-Haq. Naam, t'as cité 5? 4? Ça n'a pas été dit Al-Aziz. Ça fait 5 alors. Tfadda. On poursuit le cours. Il reste combien de temps avant l'adhan? Une minute? Qui me cite 5 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Ibrahim, Ibni. Ibrahim, Ibni l'Abiyad. Huwa Ibni et il est blanc. Allahumma barik. J'entends pas, parle plus fort. Al-Muhaymin. Allahumma barik. Hada wahid. Al-Ghafour, Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Jabbar. Vu que le temps n'est pas suffisant pour étudier le nom suivant d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ra'ouf, qui est la plus grande part de la Rahma, ou Kamal al-Rahma, Kamal al-Rahma, yani Al-Ra'fa, Al-Taf wa Akmal al-Rahma. Nous allons mentionner un point en rapport avec le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Wadud. À savoir un passage de Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Faslun fil asbab al-jalibati li mahabbati al-mu li asbab al-jalibati lil mahabba. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné 10 causes qui aide le serviteur à augmenter son amour pour Allah Azza wa Jal. Premièrement, qira'atul Qur'an bit tadabbur wa tafahhum li ma'anihi wa ma urida bih. Le premier point, c'est de lire et de méditer le Qur'an en cherchant à le comprendre. Deuxièmement, التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. Le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en accomplissant les actions recommandées après avoir préservé les actions obligatoires. Car cela le fait passer de l'amour, du niveau de celui qui aime au niveau de celui qui est aimé. Troisièmement, دوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيب من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. Troisièmement, le fait de constamment mentionner et invoquer Allah Azza wa Jal dans tous ses états. La mention avec la langue, avec le cœur et avec les actions. Et avec l'état et la situation. Et la part que tu obtiendras de l'amour d'Allah sera en fonction de la part que tu lui as donnée de mention. Plus tu mentionnes Allah, plus tu évoques Allah, plus tu développeras ou plus tu seras aimé par Allah Azza wa Jal. الرابع إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى وتسنم والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. Quatrièmement, le fait de donner prévalence à ce qu'Allah aime devant ce que tu aimes toi. Tu dois préférer et faire passer en premier ce qu'Allah aime sur ce que toi le serviteur tu aimes lorsque tes passions te font pencher vers autre chose. Et tu dois tout faire pour atteindre cela, même si c'est difficile de l'atteindre. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. Le cinquième point, c'est ce que nous étudions là, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, wahda. C'est le fait que le cœur témoigne des noms d'Allah, de ses attributs, et qu'il cherche à les comprendre et à le connaître. Son cœur ainsi baignera dans le jardin de cette connaissance. Et celui qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, ainsi que ses actions, l'aimera d'une manière inéluctable. Sixièmement, mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amihi al-batinati wa al-zahirati fa inna da'iyatun ila mahabbati. Sixièmement, c'est le cours d'aujourd'hui. C'est le fait de témoigner de la bonté d'Allah, de sa bienfaisance, de ses nombreux bienfaits envers nous, ceux qui sont apparents comme ceux qui sont cachés. Tout cela appelle à son amour. Septièmement, wa huwa min a'jabiha inkisaru al-qalbi bi kulliyati bayna yadayhi Allah ta'ala. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. Septièmement, et cela fait partie des points les plus extraordinaires, des plus étonnants, le fait que le cœur se fragmente de manière totale devant Allah subhanahu wa ta'ala et les mots manquent pour pouvoir décrire cet état. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. Huitièmement, le fait de rester seul au dernier tiers de la nuit lorsqu'Allah descend au ciel de ce bas monde pour l'invoquer, pour le supplier, pour lire sa parole et le Coran, pour se tenir devant Allah tout plein de servitude et conclure cette nuit en demandant pardon à Allah et en se repentant. التاسع neuvièmement مجالسة المحبين الصادقين, le fait de fréquenter, de s'asseoir avec ceux qui aiment Allah et ceux qui sont véridiques, et le fait de cueillir dans leurs assises les plus beaux fruits, les plus belles paroles, les paroles les plus profitables. Et tu ne parles pas dans leurs assises, tu profites seulement, sauf lorsque ta parole est meilleure que d'écouter. Dixièmement, pour finir, مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. Le fait de t'éloigner de toute cause qui pourrait s'interposer entre le cœur et Allah. فنسأل الله سبحانه وتعالى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف أولادنا. اللهم اشف اللهم اشف أولادنا. اللهم اشف آباءنا. اللهم اشف أمهاتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.